Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Artistes à l'œuvre, une série documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a des scènes familières, autant dire des clichés. Michel-Ange constellé de taches de couleur, allongé, endolori et furieux sous la voûte de la chapelle Sixtine. Un peintre de Montmartre est flanqué, peignant d'amour et d'eau fraîche une jeune modèle sous les toits. Ou Picasso, à l'atelier, torse nu, bronzé, en short, affairé et souriant, son pinceau à la main. Mais au-delà des images, il y a des choix, des vies quotidiennes, des rituels ou pas, des écoles, des artistes en devenir, un marché de l'art avec ses cotes, ses stars et ceux qui n'en sont pas. Et enfin, la question qui hante, celle de la postérité. Mais toujours, il y a un moment où il faut commencer par apprendre et tâtonner. Alors pour commencer, les personnages. Deux étudiants aux prises avec du silicone, un directeur pas dupe, des artistes professeurs, des enseignants qui questionnent, des étudiants qui tiennent le bar, d'autres qui s'enregistrent, une qui construit et un autre qui se veut subversif. Ensuite le décor. Des ateliers, une cabane à roulettes, un bar coopératif et alternatif, des vidéos, une installation, la ville de Bordeaux, des tentatives en devenir, des bancs de montage et de la graine d'artiste. Aujourd'hui, deuxième épisode, on retourne à l'école. Moi, je trouve ça bon. Bonjour, bonjour. Pimpiti, let's share the rest of the dish. You know le dish sur le dish. Je veux dire Pimpiti, je veux dire that's what it's all about. Celui qui essaie, the one kill pro, find it Pimpiti, it's like a pawn, maybe. C'est dur, je sais, de tirer un trait. Mais Pimpiti, where veux-tu aller? Don't give up on me. Tu as déjà fait, elle a mis off the way. Never say you should go, only here to stay. Politique, culture, Pimpiti, pitié-la. Le bateau sur le mer, celui who will never fall. Une ligne, Pimpiti, une ligne so you could be free, Pimpiti. Et voilà, on la colle pas contre la porte. Okay. Attention Ezra. L'école d'art, une rebelle entre deux eaux. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Anna Schmuck. Ça c'est cool là, non? Ouais. En plus on la voit mieux, c'est mieux parce qu'il y a le fond gris. Ouais. École supérieure des beaux-arts de Bordeaux. Décembre 2017. Merci. Merci. Qu'est-ce que c'est? C'est une étagère. Alors ça, c'est pour répondre au sujet de l'étagère qui accueille un objet immatériel. Mon objet, là, tout de suite, c'est mon effort. Et en fait, on part un peu sur un principe du ready-made. C'est-à-dire que l'étagère est déjà présente dans la souche du bois, là. Mais je viens y mettre mon effort. Et c'est-à-dire que quand j'utilise la gouge et la masse, je ne viens pas créer l'étagère, je viens l'utiliser et y stocker mon effort dedans. Ça peut évoquer beaucoup de choses. Chacun est libre de l'interpréter de sa manière. Moi, j'y vois quelque chose de l'ordre aussi du brut et du délicat, parce qu'on voit cette souche de bois assez violente au centre, et à l'extérieur, ça a été poli, enfin ça a été poncé. Il y a un contraste assez intéressant. Et au niveau de la fonctionnalité, c'est pour une étagère, c'est pas. Par ah contre, ouais. C'est pas. Ben, on est au Beaux-Arts. Give us the chance to express oneself once again. Bim, bim, bim, bim, ti, ti, to the lives and we live. Well, he, in lin, il, bimbiti, and my friend. Let's plant the bubble tree, come a memory of the day where Yves Pro would used to be. Bimbiti. My mother tongue is like a shimmery ring. Each world is filled up with its own history. Ce n'est pas pour de rien que de nos is the night and the wealth of the mind and might is the night. In this post, and we said, cut nye. What a mystery, dear. Bimbiti. Remember ceci. Tu es here to stay. Tu dois suivre your line, bimbiti, my friend. You'll be free. Do not reject cool, là, the folk with the rap. We are all but the same. C'est aussi simple que ça. Ouais. Ouais, merci. Merci. Du coup, j'ai fait une petite cabane mobile. Voilà. On y entre comme autrefois. Sans digicode, ni vigile aux portes. Le pouls est lent, le corps en effervescence. Donc voilà, du coup là c'est une cabane mobile en fait avec des petites roulettes. Et en gros ça s'apparente un peu à une sorte de petite pièce de théâtre aussi je pense à terme. On y évolue un peu comme chez soi, dans un même rapport au temps, distendu, mais pas dans le même rapport à soi. Tu veux pas qu'on la sorte ? Du fait de l'espace. Car ici, tout est transparent. Regardez comme dans un miroir grossissant. On tente et on échoue devant les autres, comme devant soi. Un enseignement où l'on cherche une langue qui ne s'apprend pas. Une école du savoir et du faire, où il faut accepter de se perdre dans l'espoir de se trouver. C'est une ruche où matérialiser le bruit du monde. C'est dire son ambition, sa précarité et son pouvoir. L'école d'art est une maison sur roulette qui va à son gré depuis plus de deux siècles. Voilà, est-ce que j'explique un peu le... Alors oui, du coup, c'est vrai que c'est pas vraiment une cabane. Et dont le bonheur est d'échapper. C'est une cabane dans le sens où c'est un lieu un peu intime où il y a des objets de mémoire répertoriés à l'intérieur. À la brutalité. Et du coup, ça me faisait un peu penser au contre-lieu que créent par exemple les enfants dans les chambres. Ils font des, et à l'uniformité. Des espaces dans des lieux communs, qui sont hors du commun, quoi. Et des arrêts en gare. Justement pour contrer l'espace lui-même, qui est du coup commun. Où vous conduisent invariablement les rails. Voilà. Du coup, c'est pour ça que c'est, je le vois comme une cabane, mais après, c'en est pas une vraiment, quoi. Donc après, voilà, c'est un peu une manière de représenter littéralement l'utopie, quoi. Mais... Oui, et puis je suis pas sûr que ça marcherait là, hein, c'est-à-dire de dire voilà, je vous présente ça. Et je me suis dit, ah, mais oui, c'est une utopie matérialisée, c'est tout à fait évident en fait. Cette fille a lu le texte de Michel Foucault sur les hétérotopies, c'est pour l'instant, en fait, non, on voit une espèce de mélange de salle de bain et de théâtre de guignol. Tu vois, en gros. Ça a l'air plutôt gay, en effet. Ça n'a pas l'air d'être un cauchemar dystopique. Néanmoins, c'est un objet un peu monstrueux, quoi. C'est un objet un peu hybride. Alors, qu'il soit transportable le rend un peu moins entassé, quoi. Tu vois, il y a du sable qui évoque l'idée d'un tas, en fait. Il y a toute une histoire de la sculpture du côté du tas. Donc, c'est intéressant de l'objet encombrant, quoi. Tu vois. Alors, toi, tu as fait un objet encombrant, mais déplaçable, tu vois, sur roulette. Par contre, l'idée d'utopie ou d'hétérotopie, elle me paraît un peu lointaine, quoi. Okay. Qu'est-ce qui serait un espace qui ne serait pas un espace autre ? Et d'une certaine manière, Foucault ne les définit jamais. Donc d'une certaine manière, il suffit de regarder qu'est-ce qui ne serait pas une hétérotopie ? Est-ce que cette école, ce n'est pas une hétérotopie ? Est-ce que la rue, ce n'est pas une hétérotopie ? On est toujours... Chaque lieu est toujours l'autre d'un autre lieu, tu vois. Lui, il utilisait cette notion aussi pour fabriquer une espèce de contrepoint par rapport à une certaine idée peut-être romantique et un peu totalisante de la Révolution. Et la réemployer aujourd'hui dans un contexte dont on peut dire qu'il est politiquement un peu désespérant, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois ? Moi, à mon avis, là, il y a quelque chose qu'il faut aussi réintroduire dans, Florent Lahache. Dans ton idée, quoi, dans ton projet. Et Déborah. Enfin, en fait, c'était plus les contre-espaces et les contre-lieux qui m'intéressaient. Enfin, du coup, je pense dans l'ouvrage des hétérotopies, même si la notion même, je la trouve intéressante. Après, il parle aussi des théâtres, du coup, des cabanes et tout. C'était surtout ce côté-là qui m'intéressait. Enfin, du coup, j'ai un peu pioché dans pas mal d'ouvrages différents, en fait, et je pense que ça fait une sorte de grosse boule. Et je pense qu'il faut que tu ailles au bout de ton affaire, ouais. Et puis qu'après, on discute un peu de... Parce que je me demande si, d'une certaine manière, c'est pas un projet qui est le résultat d'un collage d'intentions très différentes. Mais en fait, c'est clair que c'est pas fini. Du coup, j'ai mille références autour de moi et du coup, ça donne un peu ça. Mais il faut que effectivement que je le construise et tout, quoi. Moi, ce que je considère être mon travail, c'est que les étudiants discutent entre eux, voire se disputent. Ce que je vise, c'est que les étudiants s'engueulent un peu et que au moment où ils s'engueulent, en réalité, il y a dans l'agacement, à même ne pas parvenir à formuler ce qu'on veut dire, il y a une espèce de libido qui se met en place qui fait que sur cette base-là, on aura envie de lire et de trouver des arguments, et puis on aura envie de creuser, de fouiller, etc. Donc du coup, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de leur poser des questions. J'essaie pas, moi, d'être intelligent. J'essaie que eux soient intelligents. Ça veut dire que parfois, je dis des choses débiles. exprès, enfin un peu pour... Mais voilà, ce que j'essaie de faire, c'est de les aider à formuler des problèmes et sur cette base-là, de les engager dans un travail qui est lié au langage. C'est évident, moi je suis prof de langage, mais ces moments de restitution critique, de débat, de discussion, sont parfois des moments très difficiles et très douloureux, parfois involontairement, mais parce que ça peut mettre en crise, quoi. La personne qui présente son travail, qui n'arrive pas à en parler ou qui n'arrive pas à transmettre quelque chose, et puis les retours qui sont faits peuvent mettre le doigt sur ce qui fait mal, au sens de ce qui marche pas, de ce qui est bancal, etc. Et que, voilà, c'est quand même des moments de confrontation aussi. Je n'écris que des lettres, des confessions. Je suis sextime. Je ne pouvais que vous écrire comment j'en suis arrivée là. Je ne crois pas au hasard, mais souvent aux histoires de karma. Il y a 2 semaines, je crois maintenant, j'étais au café pompier, c'était le soir. Ce n'était plus le café, c'était le club. Voyons le club comme utopie collective nocturne. Entre 2 concerts, le nouveau diffuseur de fumée est lancé à pleine puissance. J'étais en transe, j'avais bu une bière et j'étais dingue. J'avais l'impression de revivre ma dernière performance. Par rapport au café, donc en fait, c'était créé en 2005 par. À l'époque, c'était Guada qui était directrice. Et en fait, il y avait des étudiantes, notamment Coralie Ruiz, qui avait en fait fini sa scolarité. Et ici, il y avait Sodebo, en fait, qui faisait à manger. Et donc, Guada, qu'on avait ras-le-bol de manger de la merde, a dit à Coralie, écoute, voilà, ça te dit pas de reprendre l'endroit et on fait quelque chose avec ça, je sais pas quoi, il y a tout à inventer, on fait un truc, quoi. Du coup, Coralie a recruté quelques élèves, pas beaucoup, hein, ils étaient 3 ou 4 au départ, je crois. Ils ont commencé à tout construire, ils ont trouvé des financements avec l'école pour essayer de mettre en place le système des lumières, le son... de poser un bar, etc., etc. Et ça a pris forme doucement. Donc, via en fait l'assaut des élèves de l'école, on a pu après embaucher des salariés en fait en contrat aidé à ce moment-là. Donc, on a pris un rythme en fait de 3 salariés qui sont là du matin au soir, donc de 9h à 20h pour tenir le bar, etc. Et nous, bénévoles, on fait en fait le midi, on est là pendant de midi à 14h pour faire un peu le service, les commandes et autres. Et le soir, après, on fait à peu près une soirée par semaine. Et en fait, ce qui est pas mal ici, c'est que du coup, en fait, tout est vraiment autogéré. Là, on est que 10 en ce moment, on a été 15 parfois, ça dépend, mais ça se compte autour de ça, en fait. Donc, dans l'assaut, il y a un bureau, mais il n'y a vraiment, finalement, aucune hiérarchie vraiment entre nous. Je sais pas, c'est assez beau, quoi. Enfin, ça a changé toute ma scolarité, en fait. Sans le pompier, je sais pas trop ce que je fais à l'école. Ouais. Est-ce qu'on parle de l'avenir? C'est un lieu qui va durer? Comment ça va se passer, l'avenir? Vous sembliez inquiet, Kylian? Ça fait du coup maintenant 13 ans que c'est là, et à vrai dire, ça n'a jamais été aussi compliqué à cause de cette rupture de contrat. Bon, en fait, les contrats aidés ont été du coup supprimés, et donc on n'a même plus trop possibilité d'avoir des salariés. Donc en ce moment, on se démerde pour être là le soir, faire les fermetures, essayer de faire le max le midi, de faire toutes les courses, tu vois. Mais c'est quand même pas facile parce qu'on a quand même des cours à côté, on ne peut pas tout gérer, un café et faire les cours. Et d'autant qu'avec des changements d'envie par rapport à l'école, qu'ils ont toujours laissé faire ce qu'on voulait faire. Il s'agirait maintenant de se dire qu'ils ont plutôt envie de s'intégrer là-dedans, à modifier des choses, à intégrer des jardins, modifier des affiches, modifier. Et le jour où l'école va le prendre, je pense que ça vaut mieux presque fermer que de continuer, en fait. Ouais. C'est un moment un peu compliqué, en fait, je crois. J'étais en colère. Et plus souvent, je croise Marion sur la piste de danse. Pas qu'au club pompier. Elle est une super danseuse. J'adore les personnes qui se lâchent totalement sur la piste. Je suis très partisane de la piste de danse comme défouloir. Accueillant Battle de danse du fuck. Notez ici un déhochement de personnes, bourrées, faussement désinvoltes, levant les bras et faisant des doigts d'honneur à qui veut bien les recevoir. Marion voit que je fais l'amour et que je ne fais pas ma danse du fuck qui traduit une joie terrible en moi. Je lui explique ma mésaventure plus tôt. Elle m'offre une bière, une canette, une 1664. Elle en prend une aussi. On nous tend deux canettes bleues. On trinque. Je la remercie. Une école d'art, c'est un échange entre des étudiants et des enseignants. Un échange réciproque. Je pense que les élèves nous apprennent autant qu'on leur en apprend. Philippe Boutier. C'est quand même un lieu où les étudiants viennent. Bien sûr, ils ont des ambitions, mais ils ne sont pas dupes. Ils savent parfaitement où ils en sont. Ils sont loin d'être idiots. Et ils ont conscience du monde dans lequel ils sont. Par exemple, je pense qu'ils viennent vraiment avec un grand idéalisme dans une école d'art. Ils viennent avec un sens de la beauté. On a perdu cette idée de beauté de l'école des beaux-arts. Mais je crois qu'ils ont cette notion de la beauté qui n'est pas une beauté seulement plastique, qui est la beauté des relations humaines, du geste, de la société. C'est très ancré en eux. Et ça influe aujourd'hui, par exemple, leur approche. Qui est une approche où ils ont conscience que peut-être beaucoup ont conscience qu'on peut pas continuer comme ça dans une croissance exponentielle à faire des œuvres matérielles, des résines, du bois, je sais quoi. Et donc ils cherchent d'autres modalités d'apparition. D'où l'importance, par exemple aujourd'hui, de la performance à mon avis chez eux. D'où l'importance aussi d'un groupe ici, par exemple autour de Kylian, qui s'intéresse à qui réinterroge Guy Debord. Ils cherchent d'autres modalités. Que les modalités habituelles, aussi par rapport à Internet, etc. En gros, quand on arrivait en première année à l'école, on fait tous partie de la même promo en fait. Et au bout de notre fin de deuxième année, on a réussi à récupérer cette salle et à un peu condenser toutes nos pratiques ici et monter une espèce de mini colocation. Notre manière de vivre, c'est une manière de produire quoi continuellement. Par exemple, le système qui est là, le système vidéo, c'est Gaëtan qui a ramené un espèce de système vidéo de chez lui et on a essayé de le remettre en place. Et Gaëtan et Hugo ont trouvé un moyen en fait de pouvoir le rediffuser sur sur Internet parce que c'est un système qui date en fait. Et du coup, ouais, tout ce qui se passe dans cette salle, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des caméras de surveillance un peu à droite à gauche et tout ce qui se passe dans cette salle peut être retransmis. Ou est juste diffusé sur des écrans en continu comme ça. C'est beaucoup de bidouillage quoi en fait ici. Essayer d'aller plus loin que la fonction première des objets et mécanismes qu'on utilise pour créer des nouvelles formes avec des matériaux anciens. Toujours un côté très matériel aux choses. Ce qu'on fait le plus ici en fait c'est rien justement. On n'est pas du tout là, même produit on l'a à peine trop fait. Et du coup en fait cette manière de se filmer sans cesse et du coup de se voir nous-mêmes et de le mettre en... On le mettait en live en fait, et, avec très peu de vues, mais au final les gens nous regardaient alors qu'ils sont dans l'école. Voilà. Ça, c'est Gaëtan. Jean-Philippe Algan et Nicolas Millet. Il y a un effet cocon, évidemment, sur les écoles, le fait de se sentir bien, le côté nidouillé. Donc ça nous arrive un petit peu de nous en agacer. Et en fait, en accompagnant, en étant auprès des étudiants, on se dit, mais heureusement que c'est quand même un cocon, quoi. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très réel. C'est la force des beaux-arts, c'est ça, de laisser cette espèce de latence, de temps. C'est incroyablement beau, quoi. De pouvoir penser, de pouvoir rencontrer des gens. Donc il faut le maintenir ce truc-là, il faut que ça perdure quoi. C'est cette histoire de passage en EPCC, les écoles qui vont se racoler les unes aux autres, du coup ça veut dire quoi en termes juste d'économique, d'intervenants? Ça veut dire quoi aussi en termes de, justement, cette idée de professionnalisation? Enfin, en échange de ça, c'est quand même participer et collaborer aussi avec des grosses structures, des grosses institutions. Et de la même manière, bon là n'est pas le sujet, mais par rapport, je sais pas, bon, ce qui se passe ou va se passer aussi avec le café, enfin autre, c'est à un moment donné où en fait tout ça devient vraiment, on le perd en termes de nous ce qu'on peut en faire. Et ça devient un truc justement qui est là, une sorte d'institution en fait. En fait, tout le potentiel critique que peut-être avait Bordeaux sur le monde de l'art et sa vision un peu... Oui, un peu critique en fait qu'on avait sur les institutions et ce qui se passe dans le monde. En fait, on est en train de le perdre petit à petit avec le tout ce qui se passe parce qu'on nous... C'est ce que je dis, on est les derniers escapés d'avoir toute cette espèce de savoir de ce qui s'est passé avant, de savoir ce qui s'est passé encore avant, même quand on n'y était pas, parce qu'on était vachement intéressés par la chose aussi, et d'être bizarrement un peu conscient de ce qui va se passer bientôt, mais plus pour nous, en fait, plus pour nous qui seront plus à l'école, en fait. Et donc, c'est... Mais dans le fond, après, sans ça, on s'amuse beaucoup, on va dire, enfin, on s'amuse vraiment beaucoup, mais en ayant cette inquiétude assez forte de se dire que tout ça, c'est une sorte de... sorte de fin, quoi, en fait. Comme l'administration nous répète à chaque fois qu'on peut formuler des critiques ou quoi que ce soit, la réponse, c'est « faut pas avoir peur du changement ». Voilà, merci. Parce que, si on dit tout ça et qu'on pense tout ça, c'est qu'on aime, notre école, quoi, en vrai. Et qu'on est... Hein ? Oui, et qu'on est... je pense qu'on va commencer à être triste, quoi. mais oui, je pense que c'est vraiment un amour inconsidéré pour cette école et que, on a toujours accepté les changements, on assume les changements, et même nous, je pense qu'on fournit les changements, même. Mais là... J'ai des failles à un moment donné, c'est. Il y a des failles. C'est difficile, ouais. Tu ne viens pas les étudiants aujourd'hui. Va mettre là. C'est mis en bail. Je vais voir si c'est ça. Il y a eu l'obligation pour les écoles d'art qui souhaitaient délivrer un diplôme d'enseignement supérieur de changer de statut juridique et économique, devenir donc quasiment des collectivités locales. Ce statut, c'était celui de PCC, établissement public de coopération culturelle, qui était a priori pour les musées ou les centres d'art, ou les opéras. Et donc les écoles, comme celle de Bordeaux, qui était historiquement sous régime municipal, sont devenues autonomes. Et c'était la condition pour toutes les écoles municipales de pouvoir, condition requise pour pouvoir continuer à délivrer des diplômes d'enseignement supérieur. Évidemment, c'est pas arrivé tout seul. C'est arrivé avec le LMD, donc licence, master, doctorat. C'est arrivé avec la refonte des systèmes d'évaluation. Et évidemment, la formalisation du mémoire qui aujourd'hui fait partie des diplômes des DNSEP. Temps de latence, mais aussi transitoire. Les écoles d'art se cherchent, elles aussi, à Bordeaux comme ailleurs. Leur changement de statut a mis en exergue le risque d'un enseignement artistique à deux vitesses. 12 000 étudiants, répartis dans 11 écoles nationales supérieures d'art d'un côté, financées par l'État, et 34 écoles d'art territoriales de l'autre, à la charge de municipalités ou de métropoles qui ne comprennent pas toujours pourquoi, mais aussi comment financer cet enseignement supérieur. Ce qui est plus clair, c'est que lorsqu'on était en régime municipal, en tant qu'enseignant dans une école, on ne voyait pas directement l'impact ni ce que pouvait dépenser une municipalité pour une école. On a un conseil d'administration, on a des élus qui sont administrateurs, et on nous annonce clairement combien coûte l'école. Puis après, il y a un autre problème. Le plus lourd, ce sont les municipalités dont la dotation couvre 95% du budget total annuel d'un établissement. Donc en fait, on a quasiment une tutelle qui aurait mérité d'être complètement élargie et qui se retrouve complètement déséquilibrée. C'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de problèmes pour des écoles d'art selon les municipalités qui souhaitent les voir fermer, quoi. Depuis Depuis 2012, la participation de l'État au financement des écoles d'art territoriales, réduite à moins de 10%, ne cesse de diminuer. Fermeture à Ruelle-Malmaison en 2011, à Perpignan en 2016, malaise budgétaire à Avignon, Angoulême, Tourcoing, Marseille ou Besançon. Projet de fusion de plusieurs écoles dans le Nord, problème de gouvernance à Caen, Paris, Rennes et à Bordeaux, où suite à la nomination d'une directrice contre l'avis du conseil d'administration, les enseignants ont obtenu, suite à un procès long de 3 années, la nomination d'un nouveau directeur en 2017, Dominique Pasqualini. Les écoles d'art sont sous pression, politique et budgétaire. Si je peux encore faire, parce que un comparatif avec les années où j'étais étudiant, c'est-à-dire il y a 15 ans maintenant. Nicolas Millet. Oui, enfin, en termes d'intervenants, c'est par exemple au niveau des artistes qu'on peut inviter, au niveau des voyages qu'on peut faire, c'est vraiment ces zones arides, quoi, réellement, quoi. Enfin, on avait beaucoup, beaucoup plus de choix de workshops, de conférences. Je me rappelle en 105e année, on était parti avec à l'époque Michel Affès-Béraud et Daniel Colomine, les quatre taxis, et Jean Calins d'ailleurs. On était parti dans deux groupes, deux fois 4 semaines à New York, tu vois, on avait filé 500 francs à l'époque, c'est quand même un truc absolument merveilleux. On en est à devoir inviter deux, trois invités sur une année master en une année pour une 35-40 étudiants, c'est totalement hallucinant. Pour une école à notre échelle, c'est fou. Et voilà, il y a de moins en moins d'artistes dans les écoles en plus, enfin, ça devient compliqué, donc les étudiants sont beaucoup, beaucoup en demande de ça et j'ai joué, on a la sensation qu'il n'y a pas assez d'argent, quoi. Julie Chaffort, vous avez quitté l'école des Beaux-Arts de Bordeaux en 2006. Quel regard vous portez sur ces années de formation ? Pour moi, c'est un très bon regard. J'en ai vraiment un très très bon souvenir et une très belle expérience. J'ai vu l'école comme un outil, donc c'était comme si j'avais une énorme mallette et à l'intérieur, je piochais pour créer en fait... mon propre univers artistique et trouver les bons interlocuteurs pour créer et progresser. Ce que j'ai vraiment appris en école d'art, c'est avoir un regard critique sur l'art, sur le monde qui m'entoure et aussi pouvoir parler moi-même de ma propre démarche artistique et avoir aussi une distance avec ça. Mais ce qui est bien, c'est que chez les artistes, c'est qu'on sait faire plein de trucs. C'est-à-dire qu'on n'a pas un diplôme qui dit, voilà, Julie Chaffort, elle sait faire tel truc. Non, on a un diplôme qui, en fait, quelque part, vaut pas grand-chose. Ça vaut un master maintenant, mais parce que il y a des gens qui vont hurler quand ils vont m'entendre. Mais on vous prend pas pour votre diplôme. C'est surtout qu'on sait faire plein de choses. On peut être écadreur et preneur de son. On peut faire une peinture. On peut tout d'un coup construire un décor. On peut être régisseur sur un plateau. Voilà, on a plein de cordes à notre arc. Donc... c'est ça que ça apprend, c'est qu'on est très autonome et indépendant. Il y a plein de métiers différents et assez étonnants. Voilà, il y a aussi une taxidermiste là qui est sortie, enfin il y a quelques années. Enfin voilà, c'est assez riche malgré tout. Aujourd'hui, tout le monde veut professionnaliser l'artiste ou en tout cas l'étudiant. Je pense que c'est se tromper sur ce qu'est une école d'art pour moi, parce qu'on a beau savoir remplir un dossier, c'est pas ça qui va faire qu'on est artiste. Aujourd'hui, on dit qu'on est des auto-entrepreneurs, donc il faut absolument monter sa boîte, être autonome, savoir monter un dossier. Enfin voilà, c'est vraiment des questions que j'entends régulièrement, que ce soit même par des personnes qui sont nées dans les années 60, des artistes qui me disent « oui, c'est vrai qu'il faut aujourd'hui professionnaliser les jeunes ». J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les étudiants, enfin les nouveaux, ont besoin d'être rassurés aussi sur leur avenir, que ça marche. Où est-ce que tu vas exposer plutôt que qu'est-ce que tu es en train de créer ? Alors, autre très grande réforme de l'enseignement, c'est la réforme, justement, suite aux accords de Bologne. Ça, c'est un changement majeur où on impose un certain nombre de règles et de contrôles qui n'existaient pas de la même manière. Avant, une école, c'était un groupe d'artistes, enseignants et d'étudiants qui vivaient beaucoup ensemble, qui créaient, qui essayaient de chercher, etc. Aujourd'hui, on a quand même des règles, des choses qui sont imposées, des contrôles, un certain formalisme qui domine peut-être par rapport à une approche sensible des choses. Qu'est-ce que c'est qu'un diplôme dans une école d'art ? Donc c'est quoi que ça change en fait, selon vous ? Ben, une structure, une structuration, une standardisation par rapport à l'ensemble de tous les enseignements faits non forcément dans une école d'art, ce qui est contraire à l'effervescence d'une créativité. On a un système qui s'est établi, tout nouvel état d'esprit, d'une certaine concurrence entre les gens, entre les étudiants, même entre les enseignants. Ça va dans le sens du monde en général, mais c'est un peu dommage pour une école d'art, et je pense que ça n'est pas si productif que ça pour une école d'art. C'est pas propre à Bordeaux uniquement, c'est que d'abord on nous demande des comptes, donc on doit rendre des comptes. C'est vrai que les structures sont devenues aussi beaucoup plus administratives. Et l'autre chose, c'est qu'à travers le processus de mise en place des grandes régions, évidemment, qui entraîne aussi, par effet indirect, des réductions du nombre des écoles, on n'a pas l'impression que les municipalités comprennent l'importance d'avoir une école d'art sur leur territoire, ni même de lui donner plus d'ambition. On est quand même dans la capitale de la Nouvelle-Aquitaine, et franchement, pour un établissement d'enseignement supérieur d'une capitale régionale, eh ben, on est loin derrière. Voilà, c'est des décisions qui sont pas tranchées, ni apparemment dans les tutelles ministérielles, ni apparemment locales. Donc on est un petit peu un serpent qui se mord la queue. Quand tu vois en plus ce que je t'évoquais par rapport justement aux débouchés qu'offrent les écoles d'art et vraiment aux vrais débouchés qu'ont les étudiants et la manière dont ils s'en sortent bien. Donc voilà, c'est un truc qui est quand même qui fonctionne pas bien. C'est-à-dire que je trouve qu'on traite pas très bien nos étudiants. On marche sur la tête. Un petit mot de votre projet ? Ouais. On devait penser à un supermarché en 2050. Et nous, du coup, on est vraiment parti sur quelque chose de très positif et carrément utopique, mais j'y crois quand même. Et du coup, en fait, vraiment de reconnexion à l'aspect vivant des choses que nous consommons et tout ça. Et un truc ultra pédagogique aussi, où du coup, c'est un endroit hyper agréable en forme de dôme qui fait du coup effet serre, avec du coup plein de potagers, un endroit aussi du coup où il y a des ateliers de jardinage, des ateliers de cuisine, il y a que des aliments en vrac et brut en fait. Du coup on apprend vraiment à cuisiner aussi avec de la nourriture de la prochaine époque qui va venir. Du coup on a aussi toute une dégustation d'insectes. Par contre ouais, on n'est pas dans l'interdiction, mais on est dans la conscientisation plutôt en fait. On va pas. Enfin, c'est hyper, ouais, c'est ultra. Ultra pédagogique, quoi. Bah, moi, j'y crois. Ouais. Franchement, c'est possible. Mais on a quand même des petits sachets d'oxygène. Parce que je pense qu'il y aura des espèces comme ça qui auraient été sauvegardés de toute activité polluante, etc. Mais on a quand même des sacs d'oxygène à vendre pour faire un bon bol d'oxygène pur. Voilà. Les aliments seront chers, gratuits ? Ça dépend de ton salaire. Il y a un minimum et un maximum de prix. Et en fonction des revenus qu'on gagne, on paye soit minimum, soit maximum, soit intermédiaire en fait. Du coup, au final, il n'y a presque plus aucune raison d'être riche parce que ça revient en même. Ouais. ça concerne les premières, deuxième et troisième années. Et là, c'est un atelier qui s'appelle Objet non identifié, qui est en fait un atelier entre art et design. Donc dans cette idée qu'on construit des objets qui sont plus narratifs que fonctionnels. Pour nous, la question de la professionnalisation, elle est plutôt de les amener à être éveillé et pluridisciplinaire, parce qu'on sait aussi que déjà pour nous en tant que praticiens, c'est compliqué de ne faire qu'une seule chose. Donc le côté multicasquette nous intéresse davantage. Donc voilà, on espère que la formation des étudiants va permettre qu'ils puissent être un peu à géométrie variable aussi dans plus tard. Donc c'est ça notre côté de professionnalisation en fait. Faire en sorte qu'ils sachent réagir à des questions, à des demandes et qu'ils y aillent avec leurs propres outils, mais aussi qu'ils sachent les augmenter à chaque fois. Il y a beaucoup de sujets qui arrivent dans les écoles qui sont des sujets de concours. On essaye de pas trop faire ça de premier abord. Moi, je le fais après sur inscription et sur volontarisme des étudiants. Et donc, en fait, c'est des appels d'offres, des concours. C'est en gros des entreprises qui cherchent à récupérer des cahiers d'idées, qui cherchent aussi à faire de la communication avec des jeunes artistes. Moi, j'aime pas que ce soit le sujet principal de réflexion. Pour moi, l'intérêt, c'est que l'étudiant construise sa propre pensée et qu'ensuite, bien sûr, il s'essaye à différents supports. Mais en fait, ils ont une chose qui est difficile à acquérir, c'est une autorisation de faire. Une autorisation à produire qui est assez facile et qui est, comment dire, assez naturelle chez eux quand même. Et c'est plus libre dans les beaux-arts que dans les options BTS, art appliqué, dans lesquelles j'ai pu un peu moi aussi enseigner. Il y a comme ça à la fois, c'est un peu après il y a, comment dire, le pendant de ça, c'est que parfois ils sont tellement libres qu'on a du mal à les garder dans des contraintes. Mais a priori, ils ont ils sont plus engagés dans leur réflexion quand même. Il y a quelque chose de moins scolaire dans les étudiants de Beaux-Arts qui est assez agréable parce qu'en termes d'idées, on va plus loin. Mais est-ce que c'est compatible avec le monde de l'entreprise justement qui cherche aussi l'efficacité, Madeleine ? Je pense que c'est pas incompatible. Mais un étudiant d'art, et ça gratte un peu plus qu'un étudiant en art appliqué. Et ce gratter-là, souvent dans les entretiens ou dans comment aussi, même moi je vois les stagiaires qu'on peut avoir, c'est aussi agréable, quelqu'un qui amène des idées, qui amène un peu de critique, qui amène ses propres réflexions. L'idée de base qu'on avait au niveau du projet, c'est qu'on s'est dit, si on se mettait dans le rôle des commerçants et qu'on voulait vraiment manipuler au maximum le client, vraiment en faire notre petit jouet quoi, et l'utiliser comme on a envie, autant tourner toutes les techniques marketing qu'on connaît et en inventer d'autres pour tourner ça vraiment à l'absurde. Enfin, plus on avançait dans le projet, moins on se rendait compte que c'était absurde au final. Vous pouvez expliquer la légende là un peu ? En fait, l'idée du diffuseur de produits, c'est y a certains magasins qui font déjà ça par rapport au niveau des odeurs. Ils diffusent des petites odeurs sympas pour qu'on ait envie de rester, feng shui, etc. Nous, on a poussé le truc jusqu'à ce qu'ils diffusent des endorphines, des drogues, pour que vraiment le client n'ait qu'une envie, c'est de retourner dans le supermarché. Quoi. Le supermarché reste un lieu matériel pour garder la main mise sur les clients, quoi. Pour vraiment le plus possible les entuber, quoi. Avec les lunettes, par exemple, on peut avoir un thème du supermarché. Si j'ai envie de faire mes courses et de me balader dans une ambiance western, je peux acheter le thème western et faire mes courses dans ce style-là, par exemple. Ce qui fait que, bien entendu, le supermarché, il se fait des sous aussi en vendant des thèmes visuels comme des thèmes sonores. Si on n'aime pas tel type de musique et qu'on veut écouter tel style en faisant ses courses, voilà. Chaque client a un compte, comme on peut le voir là. Ils ont un avatar, même un peu comme un jeu vidéo. Si par exemple il y a un client qui va rentrer et qui va faire ses courses et puis vu qu'il a pas grand chose à acheter, il repart directement pour passer au niveau des caisses. Il suffit qu'un contrôleur du magasin se dise ouais lui ça fait qu'une demi-heure qu'il est là, on va peut-être le garder un quart d'heure de plus. Donc on va bouger les rayons de manière à ce qu'en fait il soit obligé de faire un détour, mais lui il s'en rendra pas forcément compte parce qu'il a pas une carte physique du plan quoi. Et il va passer un quart d'heure de plus dans le magasin alors que c'était pas forcément prévu, mais après il aura pas cette sensation forcément qu'on veut le perdre, dans le sens où les lunettes elles apportent plusieurs fonctionnalités qui sont notées par exemple aussi là-bas, comme par exemple celle du GPS. Donc je sais pas, je veux tel type de pâte, je vais faire une recherche GPS avec mes lunettes et je vais avoir un GPS dans le supermarché qui va me guider jusqu'à ce produit-là. finalement toutes ces idées que vous développez, elles pourraient être retournées, se retourner finalement contre votre intention. Je vais m'empresser de les breveter alors pour éviter qu'on me les vole et qu'elles soient utilisées. J'espère pas. Je me sentirais plutôt mal si c'était le cas. En tout cas, j'espère pas faire un boulot qui mènerait à devoir réfléchir comme ça. Parce que votre esprit critique que vous développez là, vous pensez pouvoir le conserver plus tard, justement? J'espère. Même l'améliorer, d'autant plus. En général, c'est en grandissant qu'on apprend d'autres choses et qu'on voit on voit les choses encore plus noires, souvent. Oui, j'espère avoir cet esprit critique qui sera encore plus développé plus tard, ouais. Il y a aussi une peur devant ce qu'est le monde actuel et qui fait que ça amplifie les effets de groupe, de collaboration. Dominique Pasqualini. Le marché de l'art qui est quand même ce qui détermine actuellement de manière beaucoup plus massive que jamais dans l'histoire de l'art. Jamais le marché de l'art n'a autant déterminé ce qu'il en est. Mais ça n'est capable, comment dire, de faire vivre dans le monde quoi. Peut-être 200 personnes qui vivent bien, très très bien, mais qui vivent bien. Les autres, ils sont où? Donc, il faut bien qu'on réinvente d'autres modalités d'intervention dans le monde, qu'on ait, comment dire, de l'invention, de la capacité d'invention, de création, qui soit plus mise en œuvre dans le monde, avec des zones dans lesquelles il y a beaucoup plus d'artistes, d'ailleurs, d'ingénieurs, de gens qui ne sont pas forcément mis sur un pinacle, mais qui viennent stimuler dans des zones où c'est important. Voilà, regardez, quelqu'un, on a fait une figure héroïque c'est lui-même qui a contribué, d'un Steve Jobs. Mais est-ce que c'est simplement un ingénieur? Est-ce que c'est simplement un homme d'affaires? Est-ce que c'est un artiste? Toutes ces choses-là, en tout cas, ça a été à un moment donné, pour le meilleur et pour le pire, on peut le dire, à un moment donné, quelqu'un, pour moi, du même ordre que de l'artiste, c'est-à-dire qui bouleverse les données du monde. Dans les années 90, l'école a fourni un peu mieux le marché, on va dire, pour le dire vite et brutalement. Maintenant, il s'agit plus d'être artiste dans le monde, quoi. Si on doit le dire vite, d'une formule un peu lapidaire. Et là, je peux avoir même une certaine distance par rapport à certains artistes qui sont dans l'école, qui étant sortis d'école d'art, par exemple, pour eux, le but, quand ils ont réussi leur activité, c'est qu'ils ont transformé des étudiants en artistes. Mon petit Stella, do you remember that day when I took you out to space, histoire de voir ce monde avec plus d'éclat? Oi, and that was Stella we recall, the fragment de souvenir that you once fucker. Stella magnifique, Stella from Abel, no potent or ambient ennui, n'est-ce pas? Again the same story, again les moments, et l'humain, à con, the trap of the con. Donc là, vous êtes en cinquième année, Théophile, en dernière année. Vous voulez faire quoi, alors, l'année prochaine? Je compte continuer un travail de recherche autour des cosmétiques, qui fait partie de ma pratique, et je partirai à Grasse, en fait, pour continuer ça. Cette gamme de cosmétiques, elle a visé purement poétique, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je fais tourner seulement dans des cadres très intimes, en fait. Ça peut être des vernis à ongles, ça peut être des baumes parfumés. Tout s'implique, en fait, généralement une histoire qui raconte des situations ou certaines rencontres. Généralement, justement, c'est directement pensé avec comment ça va être mis en image. Et c'est pensé sous la forme éditoriale et notamment la forme du fashion editor, quoi. C'est-à-dire de produire des espèces de photoshooting en fait, qui mettent en scène ces produits cosmétiques. L'idée, c'est vraiment de faire de la forme éditoriale qui est numérique, en fait. Donc on peut complètement en fait, s'auto-éditer, s'auto-publier. Il n'y a pas de contrainte, en fait. Le milieu de la mode, du luxe, drague beaucoup le milieu de l'art contemporain. C'est un pont possible pour vous, Théophile, vous pensez? Voilà, l'idée, c'est pas non plus de faire de la direction artistique, ça m'intéresse pas, sinon je serais allé dans une autre école. Là, vraiment, l'idée, c'est de produire mes propres formes. Après, si des choses doivent se mettre en place dans des cadres plus professionnels, pour moi, c'est vraiment dans le but de financer mes propres projets, en fait. C'est la seule manière dont je pourrais faire ces choses-là, je pense. Pour moi, c'est vraiment qu'une histoire de balance, en fait, de consensus, en fait, clairement, c'est ça. En tant qu'artiste, on est de moins en moins représenté. On devient de plus en plus, en quelque sorte, le mot est fort, mais les ouvriers du marché de l'art, quoi. Donc c'est quelque chose qui, Oui, clairement fait flipper, quoi. On n'a pas envie d'aller vers ça. Mais le problème, c'est pas tant de, enfin, c'est pas tant d'être l'ouvrier du marché de l'art, parce qu'à la limite, bon, bah, on devient ouvrier, on fait ça toute sa vie, on est assuré d'avoir un salaire entre guillemets. Le problème, c'est que c'est pas le cas. Il y a une soutenabilité qui n'existe pas. Justement, c'est que ça peut durer un an, comme ça peut en durer cinq, et c'est tout. Mais d'ici, ma Stella, vi elsker da, in the shadowy high to reflect on da. Stella, tu vois, tu es si fantastique que certains de nous, mais tu as failli l'homme. Mais mon beau Stella, toi qui will only see pretty baby life by the time Olivia reach you. You may only again, or end will be here. C'est comme voir le futur et le passé en même temps. Aujourd'hui, les grands artistes travaillent en studio avec plus d'un millier de personnes autour d'eux. C'est comme des films maintenant, les productions, des pièces, des expositions, etc. impliquent beaucoup plus qu'une seule personne. Je pense qu'il y a vraiment une nécessité de travailler en collectif, mais surtout de l'affirmer, en fait. Pas juste de travailler en collectif et derrière continuer de conserver ce truc de star qui est mis sur le devant de la scène. Je pense qu'il faut vraiment s'affirmer en tant que collectif, quoi. Certes, les artistes ont eu un rapport, justement, de plus en plus de fétichiser leur propre travail. C'est parce que c'est quelque chose qui est fétichiste que c'est récupéré comme un objet de luxe, comme un objet de spéculation, etc. C'est qu'il est la parfaite incarnation pour faire ça. Et c'est là où on perd tout sens critique. Bella, Stella, Bella. Well, the same goes for us. Maybe we should call you Farewell Stella or call you Big Stella, Gone Stella, et puis a new Stella will be born. Et l'histoire recommence. My dear Stella, do you remember that day? Voilà, ça c'est un petit résumé de ce sur quoi je travaille en ce moment. Voilà. Il y a peut-être une diversification plus forte qu'avant sur la nécessité pour ces jeunes artistes de développer leur pas simplement leur économie de subsistance, mais leur économie de production, de forme de polyactivité. De Jean-Philippe Algan et Nicolas Millet. Oui, enfin, et donc d'inventer aussi leur existence. Ils ont une espèce de peur du mythe de la personnalité, aussi du mythe de l'objet en tant que tel, hein. C'est-à-dire c'est aussi une disparition des formes, hein, qu'ils peuvent trouver ou vulgaire ou trop trop capitaliste ou je ne sais quoi. Et c'est plutôt un espèce positionnement que je dirais qui est philosophique et politique, qui change un peu. Mais c'est super intéressant. On a beaucoup d'étudiants qui font du son aussi, ça c'est de plus en plus. Il y a un sur trois qui font des productions sonores, beaucoup plus de performeurs, ça je le vois. J'étais passé dans l'école il y a 10 ans alors que j'étais plus étudiant, il y avait des peintres partout. Bon, c'est drôle, tu vois, en fait, c'est des périodes, tu vois, la peinture, on voit presque plus ça, c'est étonnant. Je pense qu'il n'y a aucun étudiant ici qui rêve d'exposer à la Fondation Vuitton ou je ne sais quoi, si tu veux, tu vois, ils sont pas dans ces trucs-là. On a eu des étudiants comme ça, un peu très branchés marché de l'art, machin, dans une espèce d'objectif de réussite qui n'est pas méprisable, hein. C'était puis très bien de se pouvoir s'en sortir avec son travail, etc. Mais si tu veux, quand on voit comment ça fonctionne ce à quoi sert l'argent, tu vois, par exemple, le prix du jeune artiste en France, c'est le prix Marcel Duchamp, par exemple, tu vois. Prix Marcel Duchamp, c'est la DIAF qui décide de qui est prix Marcel Duchamp chaque année. La DIAF, c'est des patrons, c'est le patron d'Auchan, de Darty, de machin, qui décide de qui va avoir une exposition au Centre Pompidou à la fin de l'année et va avoir un prix. Si tu veux, c'est juste la déglingue, quoi. C'est la déprime totale. Donc, c'est des étudiants qui sont pas forcément politisés, ils ont pas d'action militante, etc. Mais on leur fait pas à l'envers, quoi. Tu vois, ils savent ce qui se passe. Et ça fait pas rêver, c'est sûr. Comment votre prénom ? Junio. Junliu. Je suis chinoise. Moi, c'est Gaël. On travaille ensemble, ça fait 3 ans. On fait beaucoup de productions en silicone. En fait, le silicone, il y a une texture très organique. Du coup, en plus, quand tu peins, ça garde toujours ce côté translucide. T'as l'impression que c'est pas sec, mais c'est déjà sec. Vous voulez que j'enlève le masque? Et ça sèche hyper vite. Si je peins pas en 10 minutes, c'est déjà sec. En fait, c'est une idée qui m'est venue l'année dernière pendant que j'étais en train de lire un livre sur Waksman, L'œil absolu. Et puis après, c'était en parallèle aussi avec mon expérience, parce que je suis atteint d'une rétinopathie pigmentaire. En fait, c'est une dégénérescence de la vision qui conduit à la cécité, donc à une vision tunnel sur la réduction. Et du coup, je voulais essayer de Il y a cette représentation qui s'est mise en place et j'ai voulu la... Enfin, ça me semblait le bon moment pour la faire. Parce que ça faisait 4 ans que je l'avais appris. C'est quelque chose qui me taraudait pas mal dans la tête. Et, enfin, je trouvais... c'est un moment qui est important aussi, que je voulais représenter par le biais d'une sculpture. Voilà. Donc là, ça se formalise comment? Vous pouvez me dire. Donc, il y a une sculpture. Deux tunnels qui traversent, qui font le diamètre d'un globe oculaire, donc qui est de 3 cm, quelque chose comme ça, ou 3,5, je ne sais plus exactement. Et du coup, qui traversent l'entièreté de la tête qu'on retrouve derrière, quoi. Et du coup, on peut faire l'expérience, on peut regarder au travers. Hein. On l'a roulé. En fait, c'est ta tête. C'est votre tête que vous avez moulée. Ouais, dans le silicone. Vous êtes les seuls dans l'atelier, là, finalement. C'est terrible. Hier, il y a un enseignant, ou avant-hier, qui nous a fait la réflexion, mais vous vous isolez. On est là, on se dit, non, là, il y a 25 étudiants, on est toujours là, quasiment. C'est pas que nous nous isolons, c'est vraiment, on est là, mais on va voir d'autres étudiants qui sont pas là. C'est très triste. Hein? Parlons-en d'aujourd'hui. Ouais. Ça marche, ok. Passez. Oui. Benjamin, je voulais savoir pourquoi est-ce que les ateliers sont vides, en fait. Comment est-ce que travaillent les élèves aujourd'hui? Ça peut être un peu déroutant, c'est vrai, que quand on s'attend à arriver et trouver des étudiants assis entre 4 et 6 mètres en train de faire des peintures, on peut voir ça, mais il y a surtout d'autres nouvelles méthodes de travail, d'autres nouveaux rapports au travail qui apparaissent, quoi. Ils pensent beaucoup ici. Ils produisent ici, puisqu'il y a des structures de production en bas qui sont ce qu'on appelle les cuisines. Mais si je suis atelier de sculpture traditionnelle, il y a des bases techniques, il y a si vous allez de l'autre côté aussi, donc la base son, il y a toujours quelqu'un en train de travailler. Alors là, pour le coup, c'est toujours plein. Le studio vidéo est toujours plein. Les étudiants se battent pour avoir un poste de montage. Après, ce qui change beaucoup, c'est l'espace privé. Finalement, un atelier, l'idée qu'on se fait d'un atelier, c'est un endroit où on déplie sa pensée sur différents objets qui nous aident à penser, à se souvenir des choses. Sauf que si les appareils mnémoniques, c'est ça aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'avoir 4 simèses pour 80% des gens. Donc effectivement, ils produisent ici, mais ils pensent entre ici, les différentes structures associatives et communautaires qu'ils animent, comme le café pompier et autres, leur appartement, le train, la maison des grands-parents. Voilà, mais ça a toujours existé. La boîte en valise et les célibataires de Duchamp, c'était déjà ça. Ça préfigurait ça déjà. La boîte en valise de Duchamp, c'est la même boîte que Steve Jobs essayait de nous vendre. C'est pareil, c'est le même truc. Avant, c'était une. Avant, c'était dans les années 2000, c'était encore compliqué d'imaginer un vrai travail de dessin sur tablette graphique ou sur écran qui soit pas hyper connoté art graphique. Aujourd'hui, faire un plotter, faire un print grand format, en 2001, c'était en école d'art, c'était un budget qu'il fallait voir, genre un mois à l'avance, discuter avec ses profs. Aujourd'hui, ça coûte moins cher, donc c'est plus facile d'imprimer une image de 1m50 par 1m50. Et quand vous avez imprimé une image de 1m50 sur 1m50, c'est plus facile de la maroufler sur une toile, ça va plus vite, tout va plus vite. Tout va beaucoup plus vite. Le challenge pour nous, c'est d'essayer de poser les respirations. L'école d'art, une rebelle entre deux eaux. Avec l'artiste Julie Chaffort et le directeur de l'École des Beaux-Arts de Bordeaux, Dominique Pasqualini, les enseignants Madeleine Montaigne, Nicolas Millet, Florent Lahache, Philippe Boutier, Jean-Philippe Algan, Benjamin Valenza et les étudiants Eric, Kylian, Yasmine, Hugo, Gaëtan, Junlu, Gaël, Morgane, Déborah et Théophile. Poème phonétique de Marie Bock. Performance sonore de Morgane Briand et des musiques d'Anouk Lalanne. Merci à Marie Boutier, Annette Neve et Lise Cluzeau, ainsi qu'aux étudiants de la section design. Prise de son, Yann Frécy. Mixage, Alain Joubert. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Anna Schmuck. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez retourner à l'école d'art, bibliographie, lien, nous réécouter au cours de dessin ou nous podcaster pour les examens de fin d'année, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Séridoc. Et demain, troisième épisode, au marché de l'art vivant. Et pendant 2 semaines, pour prolonger, vous pouvez regarder gratuitement sur la plateforme Tank du documentaire d'auteur, notre partenaire, le film Photographic Memory de Ross McElvie, qui fait le portrait d'un photographe. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission.